La l'uomo da solo mondo. La condamnation des enfants par rapport aux enfants, c'est-à-dire la condamnation dirigée, adressée aux parents par rapport aux enfants, existe en deux endroits. Alors que la condamnation adressée aux enfants par rapport aux parents, elle est très nombreuse. Pourquoi? Parce que d'habitude, le père ou la mère n'a pas besoin de lui rappeler qu'il faille qu'il se comporte bien avec son enfant. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de tout à fait naturel. On n'a pas besoin de lui rappeler. Donc on le trouve deux fois dans le corps. Voilà la première ou la première. Ici, on le trouve comme ça. Aux enfants en cas de pauvreté, en cas de misère. Parce que si vous vous trouvez dans une situation de misère, faites attention et gardez-vous de tuer vos enfants. Et à l'autre endroit, en Sourate Al-Israa, chapitre 28, il dit par peur de devenir pauvre ou de vous retrouver en situation de misère. Donc les deux situations se complètent finalement. Et donc il s'agit d'un très gros péché que de tuer ses enfants. Vous allez me dire, mais qui c'est qui tue ses enfants? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? C'est pas pratique ça, c'est ça. Allez, prêchez ça ailleurs. Je vous dis, moi, aujourd'hui, que ça existe encore plus que le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'entre nous, dans la vie pratique, dans tout le monde, au quotidien, passe par le monde. C'est quoi la loi? L'avortement qui est complètement légalisé et qui a toutes les couvertures légales et juridiques pour qu'on puisse le faire. Parce que c'est le droit de la guerre. C'est quoi ça? C'est pas un enfant ici. Et alors des gens qui disent, ah, moi je dois enlever mon enfant parce que je n'ai pas de quoi le nourrir et j'ai peur de ne pas trouver de quoi le nourrir. Donc encore, quand l'avortement est justifié par une cause médicale, quand la vie de la mère est en danger, et que l'indication de l'avortement est posée en bonne forme par un médecin agréé, le problème ne se pose pas à ce moment-là. Parce que la vie de la mère passe avant celle de l'embryon. Et quand il n'y a aucune, c'est parce qu'elle a eu des relations sexuelles avec quelqu'un de façon illégitime et qu'elle est tombée enceinte, Excusez-moi, on tombe enceinte, on se lève enceinte. Vous voyez la différence? Tomber enceinte, je suis pas tombé enceinte. Ça, ce sont les biais de la langue française. Tomber enceinte, on se lève enceinte. Parce que tu passes la nuit de coucher, le matin, tu te lèves, tu te lèves enceinte. Tombe pas enceinte. Ça, c'est le caractère psychologique de la langue française. Ça, c'est entre parenthèses. Ouais. C'est parce qu'elle est tombée enceinte de manière illégale, illégitime, parce qu'elle imagine que c'est une nuit de. Allez, on enlève. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait l'embryon? C'est lui qui est responsable. Au bout du cul. Voilà, en train de faire je sais pas quoi, plus tard, ou quelques semaines plus tard, tu te rends compte que tu dis, ah, maintenant, moi, je ne vais pas porter un sceptre. Et tu n'avais qu'à prendre les mesures nécessaires pour ne pas porter un sceptre. Pourquoi tu n'as pas fait écouter, tu n'as pas pris tes précautions? Tu aurais pu mettre, je ne sais pas quoi. Prendre. Mais avant que ça se passe, pas après, quand la constitution a eu lieu, il n'a plus le droit de toucher à ce qu'on. Parce que c'est une vie qui a été constituée par la loi. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Voilà la tâche de loi, voilà la tâche de loi, maintenant, sur notre mariage, nous subvenons à votre subsistance ainsi qu'à la leur. Et donc, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous n'avez pas à vous en soucier, le problème ne se pose pas. Qui c'est qui vous apporte la subsistance? C'est vous. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. On a fait le djinn et le sabin et le yabdoum, mais on y est venu le discrime. Et parmi les gros péchés que l'on peut faire, je disais hier à vos frères, aux élèves, le plus gros ennemi pour nos péchés que nous commettons tous. Mais ça, on l'a regardé. Et ça, je le répète toujours. Stop! فين المراقبة؟ أين هي المراقبة؟ مراقبة الله. Quand tu viens à la mosquée et que tu trouves une place devant toi pour stationner, tu en prends deux. Voilà ton obligé, moi. Mais c'est vrai. On est en train de déposer une position. Hein. Chez nous, quand on vient à la mosquée, il se met en deuxième, troisième position et il bloque la route pendant la prière. La prière. Il est souvent dans la vie, sans doute, mon frère. J'ai souvent une foudre. On commet les péchés tous les jours. Mais pourtant, parmi les commandements, le quatrième commandement, c'est de ne pas faire de péché. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est par cela, que nous avons terminé, « Wa la taqul nafsa allati harrama Allahu illa al-haqqa »« Wa la taqul nafsa allati harrama Allahu illa al-haqqa » Et ça, c'est, ça va nous mener très loin. Qui c'est qui te donne le droit d'inventer un avis du coup? Ça, je vais vous donner une chose pour vous expliquer, ce sujet-là. Et c'est très simple. On ne va pas parler d'inventer un avis de l'homme. Parce que c'est un des premiers péchés qui a été commis par le fils d'Adam. Fabi, qui a tué son frère, Fabi. Vous connaissez ça. Et vous connaissez la suite. Ah, bon, رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم قضى منه حاجتها ثم طلقها وذهب من مولاها. يلا شدون كده رجل qui s'est marié avec une femme, qui, après avoir joui d'elle, la répudie et prend sa retraite. Là, voilà, voilà, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec elle, il lui fait des enfants, il la lâche dans la nature et son mari. Donc, je ne parle pas de... On parle tout de nous-mêmes. On ne parle pas de critiquer les autres, alors conséquent, on fait l'autre propre autocritique. Et dans la réalité, autocritique. Il y a d'abord une chute d'une autocritique, une autocritique de plus. Tu vois ça? Voilà, je trouve, il s'agit de la chose. Le deuxième gros péché. Voilà, je trouve, il s'agit de la chose. ثم لم يعطيه أجرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كلتان اللي قام شيء اللي كلتان ممكن يقام شيء ولا كلتان ممكن يقام شيء أبقى اللي فيه صنع رأي ملقينة يسعبه خلصوش أي تأكله في عادي جميل. Là, tu viens, il travaille chez toi, tu viens, tu reviens dans une semaine, je te donne. Quand tu reviens dans une semaine, je te connais pas. Toi, tu as travaillé chez moi? Ça va pas? Je connais pas. Un cœur. Hawla wa quwwata illa billah. A'lam bi ru'yati Allah. Et le troisième, c'est pour ça que je vous ai sorti sur la tête. Par ça, on va faire une petite vidéo. Le troisième, c'est pour ça que je vous ai sorti sur la tête. ورجل قتل دابة عبثا. إلى قتل إلى قتل الأنيمال إي تقوي دوكيي كونسا سون دوزون قتل دابة عبثا. Ils partent en battue. Et ils font les lâchers. Mais c'est la technique du lâcher. Ils ont déjà en cache. Ils ont déjà en cache un certain nombre d'oiseaux, des faisans, des perdrix, des colons, des colvers. Ils les mettent en cache. Ils les ont déjà en cache. Leur appartiennent déjà. Au lieu de les engranger, ils les lâchent un à un et ils les tirent. Ils les prennent pour possible. Il faut savoir qu'un oiseau qui est tué de la sorte est haram pour manger. Ce n'est pas un produit de chasse. Ce n'est pas un produit de chasse. Alors si c'est c'est le péché avec les animaux, qu'est-ce qu'on va dire de quelqu'un qui tue à l'aide d'un oiseau? Vous avez bien compris l'image, mais j'ai pas besoin de la vie, moi. Voilà, puis maintenant, moi j'ai pas besoin de la vie, ma mère, oui, avant, il a dit, l'aide de mon soin, oui, la règle de ta vie. Telle est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant la graisse, peut-être que vous allez raisonner et peut-être que vous allez comprendre. Sallallahu alayhi wa ta'ala. Voilà. Wa yatajawaz an sayyi'atina wa arhamna subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi wasi'a. Amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanahu wa ta'ala. Wa salamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.